Fioretti ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Considération sur les sacrés saints stigmates de saint François. Nous ferons, dans cette partie, de pieuses considérations sur les glorieux, sacrés et saints stigmates que notre bienheureux Père saint François reçut de Jésus-Christ lui-même sur la sainte montagne de l'Alverne, et, comme ces stigmates furent au nombre de cinq, correspondant aux cinq plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, nous partagerons cette partie en cinq considérations. La première sera faite sur la manière dont saint François parvint à la sainte montagne de l'Alverne. La seconde, sur le genre de vie qu'il mena sur cette montagne avec ses compagnons, et sur les entretiens qu'il y eut avec eux. La troisième, sur l'apparition séraphique et sur l'impression des sacrés stigmates. La quatrième, sur la descente de saint François du mont de l'Alverne, après qu'il y eut reçu les sacrés stigmates, et sur son retour à Sainte-Marie des Anges. Enfin, la cinquième considération sera faite sur certaines apparitions ou révélations que Dieu fit, après la mort de saint François, à de saints frères et à d'autres pieuses personnes, pour confirmer la vérité des sacrés stigmates. Première considération sur les sacrés saints stigmates. Saint François avait 43 ans, lorsqu'en 1224, Dieu lui inspira de quitter la vallée de Spolète et de se rendre en Romagne avec frère Léon, son compagnon. Dans ce trajet, il vint à passer au pied du château de Montefeltro, où se donnait alors un grand banquet. Un jeune comte allait recevoir l'épée de chevalier. À la nouvelle de cette fête et du nombreux concours de gentilshommes qu'elle avait attirés, le saint dit à son compagnon, « Allons au château, nous y ferons, Dieu aidant, un chevalier spirituel. » Au nombre des convives de Montefeltro se trouvait un gentilhomme riche et puissant de Toscane appelé Orlando de Chiusi de Casentino. Depuis qu'il avait entendu raconter des choses si merveilleuses de la sainteté et des miracles de saint François, il avait conçu pour lui une grande vénération, et il souhaitait ardemment de le voir et de l'entendre prêcher. Arrivé bientôt au château, le saint se rendit sur la place où s'étaient assemblés les gentilshommes, et là, dans la ferveur qui l'animait, il monta sur un petit mur et se mit à prêcher. Il prit pour sujet de son discours ces paroles qu'il prononça en langue vulgaire, « Le bien que je désire est si grand, que toute peine m'est un plaisir. » Partant de ce texte, il parla sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et ses paroles étaient pleines de piété et de profondeur. Il cita surtout l'exemple des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges et des autres saints qui, tous, se trouvaient heureux de souffrir pour Jésus-Christ les tourments, les macérations, les tribulations et les tentations. L'auditoire fut vivement ému. Tous les yeux étaient attachés sur le visage du prédicateur, et chacun recevait ses paroles comme si elles étaient sorties de la bouche d'un ange. Orlando surtout, intérieurement touché de Dieu, en écoutant cette divine prédication, résolut dès lors d'aller trouver saint François, de s'entretenir avec lui des intérêts de son âme et de mettre ordre à sa conscience. En effet, le sermon terminé, il aborda le saint, et le tirant à l'écart, il lui dit, « Père, je voudrais parler avec vous du salut de mon âme. J'accepte avec plaisir cette proposition, répondit saint François, mais à présent faites honneur aux amis qui vous ont invités, après le repas, nous converserons ensemble tant qu'il vous plaira. » Orlando se rendit à ce conseil du saint. Lorsque le repas fut achevé, il vint le retrouver et mit ordre avec lui aux intérêts de son âme. À la fin de leur entretien, Orlando dit à saint François, Je possède une montagne appelée Mont Alverne, qui est très propre au recueillement. Elle est isolée et disposée très convenablement pour des hommes qui voudraient y pratiquer la pénitence et y mener une vie solitaire. Si elle vous plaît, c'est de bon cœur que, pour le salut de mon âme, je consens à vous la céder à vous et à vos compagnons. Ce fut avec une grande joie que le saint reçut une offre si généreuse et qui lui convenait si bien, il en remercia Dieu dans son cœur, et dit à Orlando, « Quand vous serez de retour en Toscane, je vous enverrai quelques-uns de mes compagnons, ils visiteront la montagne, et, si elle est propre à la vie religieuse et pénitente, j'accepte l'offre charitable que vous m'en faites. » Après cette entrevue, saint François partit du château, et, quand il eut terminé son voyage, il retourna à Sainte-Marie-des-Anges. Orlando, de son côté, revint aussi, après la fête, à son château de Chiusy, qui se trouvait à 1 mille environ de l'Alverne. De retour à Sainte-Marie-des-Anges, saint François envoya 2 frères à Chiusy. Orlando les reçut avec honneur et avec joie. Voulant leur faire voir la montagne, il les fit accompagner de 50 hommes armés, pour les défendre contre les bêtes sauvages qu'ils pourraient y rencontrer. Ainsi escortés, les frères montèrent l'Alverne, l'examinèrent avec soin, et trouvèrent une petite plaine solitaire et très propre à la contemplation. Ce fut l'endroit qu'ils choisirent pour y fixer l'habitation de leur père et s'y fixer eux-mêmes, et aussitôt, aidés des hommes qui les avaient accompagnés, ils y construisirent une pauvre cellule de branches d'arbres. Ils acceptèrent donc, au nom de Dieu, la montagne de l'Alverne, prirent dès lors possession de l'endroit qu'ils y avaient choisi et retournèrent vers saint François. À leur arrivée, ils racontèrent qu'ils avaient trouvé sur l'Alverne un lieu très propre à l'oraison et à la contemplation. Le bienheureux père en fut comblé de joie, rendit grâce à Dieu et dit à ses frères, d'un visage radieux, « Mes enfants, voici que nous approchons de notre carême de Saint-Michel-Archange, je crois que la volonté de Dieu est que nous le passions sur la montagne de l'Alverne qu'il nous accorde dans sa libéralité. Il faut que, par la pénitence, nous méritions la consolation de consacrer cette montagne à l'honneur et à la gloire du Sauveur, de sa glorieuse mère la Vierge Marie et des saints anges. » Alors il choisit pour compagnon frère Massé de Marignan d'Assise, homme fort intelligent et d'une grande éloquence, frère Ange Tancrède de Rieti, qui avait été chevalier lorsqu'il était encore dans le monde, et qui avait reçu une éducation très distinguée, enfin frère Léon, qu'il affectionnait singulièrement à cause de sa grande simplicité et de sa pureté de cœur. Puis il se mit en prière avec eux, et, après avoir recommandé aux frères qui restaient de prier aussi Dieu pour le succès de leur voyage, il se mit en route pour la montagne de l'Alverne. Pendant le trajet, il appela frère Massé et lui dit, « Frère, vous serez, dans ce voyage, notre gardien et notre prélat, je veux, tant qu'il durera et que nous serons ensemble, que tous nos usages soient conservés, nous réciterons l'office, nous nous entretiendrons de Dieu, nous observerons la règle du silence, et nous ne nous inquiéterons de rien au sujet de notre nourriture et de notre sommeil. Seulement, quand viendra l'heure de chercher un logement, nous achèterons un peu de pain, et nous prendrons notre repos là où Dieu nous conduira. » À ces paroles du Père, les 3 compagnons inclinèrent la tête, firent le signe de la croix et poursuivirent leur route. La première nuit se passa dans un couvent de l'ordre, mais le lendemain, retardé par le mauvais temps et la fatigue, ils ne purent gagner ni couvent, ni château, ni village, et ils furent obligés de chercher un abri dans une vieille église abandonnée. Pendant que ses frères s'y trouvaient endormis, Saint François, resté seul en prière, vit bientôt une grande multitude de démons se précipiter vers lui avec un bruit et un fracas épouvantables. Tous ensemble se mettent à l'attaquer et à le harceler de mille manières, le poussant, le tirant en tous sens et l'accablant de menaces et de reproches. Mais tous ces efforts des esprits mauvais pour le distraire de sa prière étaient impuissants, Dieu était avec lui. Quand il eut supporté quelque temps les assauts que lui livraient les démons, il cria à haute voix, « Ô esprit maudit, vous ne pouvez rien que par la permission de Dieu, mais je vous le dis de sa part, faites sur moi tout ce qu'il vous permettra, et je recevrai tout de bon cœur, car je n'ai pas de plus grand ennemi que mon corps, vengez-vous donc, pour moi, de ce cruel ennemi, c'est le plus grand service que vous puissiez me rendre. » À ces mots, les démons se ruent avec fureur sur Saint François, le saisissent, le traînent dans l'église et lui font essuyer des traitements plus indignes encore que la première fois. Mais le saint, au milieu de ces tortures, se contentait de s'écrier, « Ô mon Sauveur Jésus-Christ, je vous rends grâce de l'honneur et de la charité que vous me témoignez. Oui, je le sais, les châtiments que vous infligez à vos serviteurs, en punition de leurs fautes, sont un gage de votre bonté à leur égard, car c'est pour leur faire éviter les peines de l'autre vie que vous les éprouvez ainsi sur la terre. Punissez-moi donc de mes péchés, faites tomber sur moi toutes les adversités, et je suis disposé à les supporter toutes avec joie, en expiation de mes crimes. » Vaincus par tant de constance, les démons se retirèrent confus. Aussitôt, dans la ferveur qui l'embrasait, Saint François sort de l'église, va se mettre en prière dans un bois qui se trouvait tout près, et là, se frappant la poitrine et versant d'abondantes larmes, il s'efforçait de rappeler en lui l'époux et le chéri de son âme. Enfin il le retrouva dans le secret de son cœur, et alors, tantôt il lui parlait comme à son seigneur, tantôt il lui répondait comme à son juge, tantôt il le priait comme son père, tantôt enfin il s'entretenait avec lui comme un ami avec son ami. En ce moment, les frères s'étant rendus dans le bois pour y chercher leur père, ils le trouvèrent baigné de larmes et implorant la divine miséricorde pour les pécheurs. Ils l'entendirent aussi pousser des plaintes lamentables sur la passion du Christ, et on aurait cru qu'il la voyait se renouveler sous ses yeux, tant sa douleur était vive. Cette nuit encore ils l'aperçurent, pendant sa prière, tenant les bras en croix, et assez longtemps, suspendu, soulevé au-dessus de terre et environné d'une nuée resplendissante. Ce fut ainsi que Saint François passa toute la nuit sans prendre un instant de repos. Le matin, voyant qu'après tant de fatigues il serait trop faible pour continuer sa route à pied, ses compagnons allèrent au village voisin trouver un pauvre laboureur et lui demandèrent, pour l'amour de Dieu, de vouloir bien prêter son âne à Saint François, leur père. À ce nom de frère François dont il avait entendu parler, le paysan dit au frère, « Seriez-vous donc des compagnons de ce frère d'Assise dont on dit tant de bien ?»« Il est notre père, » répondirent les frères, « et c'est pour lui que nous venons vous demander votre âne. » Aussitôt le bonhomme s'empresse de le disposer, le conduit lui-même au saint, qu'il fait monter avec mille témoignages de respect, puis, quand les voyageurs eurent repris leur route, il les accompagna, marchant derrière son âne. Après avoir ainsi cheminé quelque temps, le paysan dit à Saint François, « Frère, dites-moi la vérité, êtes-vous vraiment le frère François d'Assise ?»« Je le suis, » répondit le saint. « Eh bien, ajouta le paysan, appliquez-vous donc à être aussi bon que les gens le disent, afin qu'ils ne soient pas trompés dans leur confiance, c'est un conseil que je vous donne. » loin de mépriser cet avis et de se dire, comme le feraient maintenant bien des orgueilleux portant la cape, quel est donc cet imbécile qui se mêle de me donner des conseils? Saint François aussitôt se jette à terre, se met à genoux devant le paysan, lui baise les pieds et le remercie de son bon et utile avis. Le paysan et les frères le relevèrent respectueusement, le firent remonter sur l'âne, et l'on se remit en route. Lorsque les frères eurent gravi à peu près la moitié de la montagne, par une grande chaleur et dans un chemin difficile, le paysan, qui les accompagnait toujours, commença à ressentir une soif si ardente qu'il en vint bientôt à murmurer contre le saint. « Ah ! S'écriait-il, je meurs de soif, oui, je vais tomber d'épuisement, si je n'ai rien pour me rafraîchir. » Touché de compassion, saint François descendit de son âne, se mit en prière et resta à genoux, les mains élevées vers le ciel, jusqu'à ce qu'il connût que sa demande était exaucée. Alors il dit au paysan, « Allez, courez vers cette pierre. Vous y trouverez une source d'eau vive qui s'en échappe maintenant par la miséricorde de Jésus-Christ. » Le laboureur courut aussitôt, et trouva en effet une fontaine d'eau limpide qui, par la vertu des prières du saint, jaillissait du rocher le plus dur. Il but copieusement et se sentit fortifié. Une preuve manifeste que cette source fut miraculeusement produite par la puissance divine à l'intercession de saint François, c'est que jamais auparavant on n'avait trouvé d'eau vive en cet endroit, ni même à une grande distance de là, et qu'on n'en retrouva plus jamais dans la suite. Le saint, ses compagnons et le paysan remercièrent Dieu de la faveur qu'il venait de leur accorder, puis ils continuèrent leur route. Lorsqu'ils furent arrivés au pied du rocher même de l'Alverne, saint François voulut se reposer un peu sous un grand chêne qui se trouvait sur le chemin, et de là il contemplait le magnifique paysage qui se déroulait sous ses yeux. Mais voici qu'en ce moment arrive de divers points une multitude d'oiseaux qui témoignaient leur joie par leurs chants et leurs battements d'ailes. Ils voltigeaient tous autour du saint, les uns se posaient sur sa tête, les autres sur ses épaules, et d'autres sur ses bras, sur sa poitrine et sur ses pieds. Les compagnons de saint François et le paysan contemplaient ce spectacle avec ravissement, et le saint lui-même, émerveillé de ce prodige, disait tout joyeux, « Je crois, mes bien-aimés frères, qu'il plaît à notre Seigneur Jésus-Christ que nous habitions sur ce mont solitaire, puisque nos petites sœurs et nos petits frères les oiseaux témoignent tant d'allégresse à notre arrivée. » Les frères se levèrent, et ils continuèrent à gravir la montagne jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à l'endroit qui avait été choisi d'abord par leurs compagnons. Voilà ce qui regarde la première considération. Seconde considération sur les sacrés saints stigmates. La seconde considération doit être faite sur les entretiens de saint François avec ses compagnons, lorsqu'ils furent arrivés sur la montagne. Orlando éprouva une vive satisfaction quand il apprit que le saint et ses trois frères étaient venus se fixer sur l'Alverne. Le lendemain de leur arrivée, il alla lui-même les visiter, et leur porta une abondante provision de toutes sortes de nourriture. Il trouva les pieux ermites en prière, les aborda et les salua avec bonté. Saint François se leva, reçut avec une joie pleine d'affection Orlando et sa compagnie, et ils s'entretinrent ensuite quelque temps. Le saint remercia Orlando de la générosité avec laquelle il lui avait cédé l'Alverne, et de la visite dont il l'honorait, puis il le pria de lui faire construire une petite cellule au pied d'un boêtre, dans un lieu très recueilli, très propre à l'oraison et situé à peu près à un jet de pierre de l'endroit où se trouvaient ses frères. Son désir fut immédiatement satisfait. Comme le soir approchait et qu'il fallait repartir, Saint François dit quelques paroles et bénit la petite troupe. Au moment du dernier adieu, Orlando pria par Saint François et ses frères, et leur dit « Mes bien chers frères, je ne veux pas que sur cette montagne sauvage vous souffriez aucune nécessité corporelle qui vous empêche de vous livrer entièrement à la contemplation, je veux, et je vous le dis à présent pour toujours, je veux que vous veniez chercher dans ma maison tout ce qui vous est nécessaire, si vous faites autrement, j'en aurai beaucoup de peine. » Après cela, Orlando et sa compagnie retournèrent au château. Alors Saint François fit asseoir ses compagnons et les instruisit sur le genre de vie qu'ils devaient mener, eux et tous ceux qui veulent vivre en solitaire. Il leur imposa l'observance de la sainte pauvreté, et leur dit « Ne vous appuyez pas trop sur l'offre charitable du Seigneur Orlando, prenons garde de blesser notre profession de pauvreté. Soyez sûrs que, si nous sommes de vrais pauvres, le monde aura compassion de nous, si nous embrassons bien étroitement la pauvreté, il nous donnera libéralement ce qu'il nous faut pour vivre. Dieu, qui nous a appelés dans la sainte religion pour le salut du monde, a fait ce pacte avec nous, nous devons donner au monde de bons exemples, et le monde doit fournir à toutes nos nécessités. Persévérons donc dans notre pauvreté, parce qu'elle est la voie de la perfection et le gage des richesses éternelles. » Le saint donna encore à ses frères plusieurs autres avis, et il ajouta en finissant « Voilà donc le genre de vie que nous devons embrasser tous, pour moi, en particulier, je sens que je touche au terme de ma carrière, et je veux désormais me tenir dans la solitude, me recueillir en Dieu et pleurer mes péchés en sa divine présence. Frère Léon, quand il le voudra, m'apportera une petite provision de pain et d'eau, mais ne laissez venir à ma cellule aucun séculier, pour quelque raison que ce soit, je vous charge de répondre pour moi à ceux qui me demanderaient. » Ayant dit ces mots, Saint François bénit ses compagnons et se retira dans sa cellule, au pied du hêtre, et les trois frères prirent dès lors la ferme résolution de se conformer aux règles que leur père leur avait imposées. Quelques jours après, le saint, considérant, de sa cellule, la disposition de la montagne, et contemplant avec étonnement les larges fentes et les grandes ouvertures des énormes rochers qui l'environnaient, il lui fut révélé de Dieu que ces fentes s'étaient ouvertes miraculeusement à l'heure de la Passion du Christ, au moment où, selon ce que rapporte l'Évangile, les pierres se fendirent. Dieu avait voulu que ce prodige s'opérât d'une manière plus frappante sur la montagne de l'Alverne, parce que là devait se renouveler dans l'âme de François, par l'amour et la compassion, et dans son corps, par l'impression des sacrés stigmates, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cette révélation, le saint se renferma dans sa cellule et s'y recueillit, dans l'attente du mystère qui allait s'accomplir. Dès lors, la prière continuelle à laquelle il se livra lui fit éprouver plus fréquemment encore les douceurs de la divine contemplation. Aussi, très souvent il se trouvait tellement ravi en Dieu, que ses compagnons le voyaient corporellement élevé au-dessus de terre, et dans une extase qui le mettait hors de lui-même. Dans ses sublimes contemplations, Dieu lui révélait non seulement l'avenir, mais encore les secrètes pensées et les inclinations de ses frères. Frère Léon, son compagnon, en fut convaincu par sa propre expérience. Se trouvant tourmenté par une tentation de l'esprit, il lui vint en désir de posséder quelques pieuses pensées écrites de la main du saint, et il espérait qu'une fois qu'il l'aurait obtenue, la tentation disparaîtrait, au moins en partie. Depuis quelque temps déjà il nourrissait ce désir, et toujours il se sentait retenu par la honte et le respect. Mais l'Esprit Saint révéla à Saint François ce que son compagnon n'osa lui confier. Aussitôt il le fait appeler, lui demande ce qui est nécessaire pour écrire, et traçant, à la louange de Jésus-Christ, quelques lignes qu'il signe de la lettre tôt, il les remet au frère, en lui disant, « Recevez ce papier, mon très cher frère, et conservez-le toute votre vie. » Note. Voici les lignes de cet écrit dont nous avons vu l'autographe dans le trésor de la basilique patriarcale d'Assise. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, qu'il te montre sa face et qu'il ait pitié de toi, qu'il tourne son visage vers toi et qu'il te donne la paix. Que le Seigneur te bénisse, frère Léon. Fin de la note. Que Dieu vous accorde sa bénédiction, et qu'il vous protège contre les tentations. Que s'il permet que vous les éprouviez, ne vous en troublez pas, plus vous serez tentés, plus je vous regarderai comme le véritable ami et serviteur de Dieu, plus je vous chérirai, car je vous le dis en vérité. Personne ne doit s'estimer parfait ami de Dieu qui n'est auparavant passé par beaucoup de tribulations et de tentations. Frère Léon reçut avec respect et confiance l'écrit du saint, et aussitôt sa tentation disparut complètement. Alors il retourna vers ses compagnons et leur raconta, plein de joie, la grâce que Dieu venait de lui accorder. Depuis, il conserva toujours son écrit avec soin, et les frères s'en servirent ensuite pour opérer plusieurs miracles. Dès ce jour aussi, en toute simplicité et avec l'intention la plus pure, frère Léon se mit à observer de plus près toute la conduite de saint François, et sa bonne foi lui mérita de le voir souvent ravi en Dieu, élevé au-dessus de terre à la hauteur de 3 ou 4 brasses, quelquefois jusqu'au sommet du hêtre, et parfois même il le voyait si haut dans les airs et environné de tant de splendeur, qu'à peine s'il pouvait encore l'apercevoir. Et que faisait le bon frère quand le saint n'était encore qu'à la hauteur d'un homme? Il allait doucement sous lui, lui baisait les pieds, les arrosait de ses larmes, et il disait, « Mon Dieu, prenez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur, et, par les mérites de ce saint homme, daignez me communiquer quelques petites portions de votre grâce. » Un jour que frère Léon se trouvait ainsi sous les pieds de saint François, et qu'il était à une hauteur où il ne pouvait plus l'atteindre, il vit descendre du ciel un billet écrit en lettres d'or qui vint se placer sur la tête du saint. Sur ce billet étaient tracés ces mots, « Ici se trouve la grâce de Dieu ». Le frère eut le temps de le lire, et il le vit ensuite remonter vers les cieux. Sous l'impression de cette grâce divine qui le remplissait, saint François n'était pas seulement ravi en Dieu par la contemplation, souvent aussi il était fortifié par la visite des esprits célestes. Un jour qu'il pensait à la mort et à l'état de son ordre, quand il n'y serait plus, « Seigneur Dieu, disait-il, que deviendra, après ma mort, votre pauvre petite famille ? Vous aviez daigné, dans votre bonté, la confier aux soins d'un misérable pécheur, après lui, qui est-ce qui l'encouragera? Qui est-ce qui corrigera ses défauts? Qui est-ce, enfin, qui priera pour elle? » En ce moment, un ange envoyé de Dieu lui apparut et lui dit, « Je te l'assure de la part du Très-Haut, la profession de ton ordre durera jusqu'au jour du jugement. Il n'y aura personne, si grand pécheur qu'il soit, qui ne trouve miséricorde devant Dieu, s'il y est sincèrement attaché, personne non plus qui puisse vivre longtemps si, par malice, il vient à le persécuter. Enfin, les grands coupables qui y entreraient et qui ne se corrigeraient pas, seront bientôt rejetés de son sein. Ne te contriste donc pas si tu vois dans ton ordre des frères qui n'observent pas la règle comme ils le devraient, ne crois pas, pour cela, qu'ils doivent s'affaiblir, car il y en aura toujours un grand nombre qui suivront parfaitement la vie évangélique et qui observeront les règles dans toute leur pureté. Ceux-ci, après leur mort, iront droit à la vie éternelle sans passer par les flammes du purgatoire. Il y en aura d'autres qui suivront aussi cette vie évangélique, mais avec moins de perfection. Ceux-là, avant d'entrer en paradis, devront se purifier dans le purgatoire. Mais c'est à toi que Dieu confiera le soin de régler le temps de leur expiation. Enfin, pour ceux qui ne tiendront aucun compte de la règle, je te le dis, de la part de Dieu, ne t'en tourmente pas, car lui-même ne s'en met pas en peine. À ces mots, l'ange disparut, et saint François demeura fortifié et consolé. À l'approche de la fête de l'Assomption de Notre-Dame, le saint voulut chercher un lieu plus solitaire encore et plus isolé, où il put passer le carême de Saint-Michel-Archange, qui commence le jour de cette solennité. Il appela donc frère Léon et lui dit « Allez à l'oratoire de nos frères, tenez-vous sur la porte et revenez me trouver quand je vous appellerai. » Frère Léon obéit. Saint François s'éloigna un peu, l'appela d'une voix haute, et lorsque le frère le rejoint, il lui dit « Mon fils, cherchons un lieu plus secret encore où vous ne puissiez m'entendre quand je vous appellerai. » Puis continuant leur recherche, ils trouvèrent, dans la partie méridionale de la montagne, un endroit très solitaire et parfaitement disposé selon les désirs du saint, mais il fallait, pour y arriver, traverser l'immense et effrayante ouverture d'un énorme rocher. Cette difficulté n'arrêta pas saint François, aidé de son compagnon il parvint, après de longs efforts, à jeter sur l'ouverture une pièce de bois, en forme de pont, et l'on put traverser. Alors le saint fit appeler ses autres frères et leur annonça l'intention où il était de passer en ce lieu le carême de Saint-Michel-Archange. Il les pria d'y construire une pauvre cellule, et de la disposer de telle sorte qu'ils ne pussent l'entendre crier de leur ermitage. Les frères le satisfirent, alors il leur dit « Retournez maintenant, laissez-moi seul ici, car, avec le secours de Dieu, je me propose de passer ce carême sans dérangement et sans trouble. Qu'aucun de vous ne vienne me trouver, mais défendez surtout aux séculiers d'avancer jusqu'ici. Seulement, frère Léon, une seule fois le jour vous viendrez m'apporter une petite provision de pain et d'eau, puis, dans la nuit, vous reviendrez une autre fois vers l'heure de matine. Alors vous vous approcherez en silence, et quand vous serez arrivé à la tête du pont, vous me crierez « Seigneur, ouvre mes lèvres, si je vous réponds, vous viendrez jusqu'à ma cellule pour y réciter matine avec moi, sinon retournez aussitôt au couvent. » Saint François l'exigeait ainsi, parce qu'il était quelquefois tellement ravi en Dieu, qu'il n'entendait plus rien et qu'il n'éprouvait plus aucune sensation corporelle. Il donna donc sa bénédiction, et ses compagnons se retirèrent. Le jour de l'Assomption étant arrivé, le saint commença son carême, dès lors il se réduisit à une sévère abstinence, macéra rudement son corps, fortifiant en même temps son esprit par de ferventes prières, des disciplines et des veilles. C'était en pratiquant ces saints exercices que, croissant de vertu en vertu, il disposait son âme à recevoir les divins mystères et les divines splendeurs, et son corps à soutenir les violents assauts des démons avec lesquels il avait souvent à combattre sensiblement. Une fois, entre autres, dans la ferveur qui l'animait, il sortit de sa cellule et se mit en prière près d'un rocher entr'ouvert et qui formait un précipice d'une profondeur effrayante. Tout à coup, au milieu d'un bouleversement et d'un fracas épouvantable, survint le démon sous une forme terrible, il frappe le saint et le pousse pour le faire tomber dans l'abîme. Ne voyant aucun moyen d'échapper, et ne pouvant soutenir l'aspect horrible de l'esprit mauvais, saint François se retourne avec précipitation, étreint le rocher de tous ses membres, se recommande à Dieu et cherche, en tâtonnant, quelque saillie du roc où il puisse s'accrocher. Dieu ne permet jamais que ses serviteurs soient tentés au-dessus de leurs forces. En ce moment, le rocher se creusa miraculeusement sous le corps du saint, qui s'y enfonça comme dans une cire molle, en y imprimant la forme de son visage et de ses mains. Et c'est ainsi qu'aidé du secours de Dieu, il parvint à échapper à la fureur du démon. Note. Wadding cite un auteur mort dans le 15e siècle, qui dit que l'on voyait dans le rocher l'impression des poings du saint. Fin de la note. Quelques années après la mort de saint François, l'esprit infernal renouvela ses tentatives, au même endroit, sur un de ses pieux frères, et pensa devoir être plus heureux. Un jour que ce religieux disposait des pièces de bois sur l'abîme, afin qu'on pût y aller sans danger vénérer la mémoire du saint et le miracle dont il avait été l'objet, le démon choisit l'instant où il avait sur la tête une de ces pièces qu'il voulait placer, et le poussa dans l'abîme avec son fardeau. Mais Dieu, qui n'avait pas permis que le saint y fût précipité, préserva encore, en faveur de ses mérites, le pieux frère du péril de sa chute. Au moment où il roulait dans le précipice, il se recommanda, plein de confiance et avec de grands cris, à saint François, qui, lui apparaissant aussitôt, le prit et le déposa doucement au bas du rocher, sans qu'il reçût ni secousse, ni lésion. Cependant, à ses cris, les frères accourent, déjà ils le croient mort, déchiré par les pointes du rocher, et, tout en pleurs, ils prennent un cercueil, et descendent la montagne pour aller chercher les lambeaux de son corps et les inhumer. Mais quelle n'est pas leur surprise, lorsqu'arrivés au pied de la montagne, ils le rencontrent portant encore sur la tête la pièce de bois avec laquelle il était tombé, et chantant à haute voix le Te Deum. Ils n'en pouvaient croire leurs yeux, mais bientôt tout leur fut expliqué. Le frère leur raconta comment saint François l'avait préservé dans sa chute, et tous ensemble revinrent au couvent chantant encore le Te Deum, et remerciant Dieu d'avoir sauvé miraculeusement, par les mérites de leur Saint-Père, l'un des frères de son ordre. Saint François continuait donc son carême, au milieu des fréquents assauts qu'il avait à essuyer de la part du démon. Souvent aussi il était favorisé des consolations divines et de l'apparition des anges, et parfois il était visité par les oiseaux. Ainsi, pendant ce carême, un faucon, qui avait fait son nid près de sa cellule, venait l'y trouver toutes les nuits, quelque temps avant matine, le réveiller par ses chants et le battement de ses ailes, et ne se retirait qu'après son lever. Le saint se trouvait-il fatigué ou souffrant? L'oiseau, en serviteur charitable et discret, se présentait et chantait plus tard. Un tel réveil matin plaisait beaucoup à saint François, car, outre que sa sollicitude le préservait de toute paresse et l'excitait à l'oraison, de temps en temps encore dans le cours de la journée, le faucon venait familièrement le trouver. Cependant le saint, se sentant presque épuisé par ses longues abstinences et ses luttes contre le démon, éprouva le besoin de se fortifier en procurant à son âme une nourriture spirituelle. Pour cela, il se mit à penser à la gloire infinie, au bonheur des bienheureux dans la vie éternelle, et il supplia Dieu de lui en faire ressentir quelque chose. Il priait encore, quand soudain, environné de splendeur, lui apparut un ange tenant une viole à la main gauche et un archet à la droite, et pendant qu'il le regardait tout saisi d'étonnement, l'envoyé des cieux laissa tomber l'archet sur la viole, et une mélodie si suave se fit entendre que l'âme de saint François en était comme enivrée et qu'il en demeurait privé de toute sensation corporelle. Il raconta depuis à ses compagnons que, Si l'ange avait donné un nouveau coup d'archet, sans doute, son âme aurait brisé les liens du corps. Voilà ce qui regarde la seconde considération. Troisième considération sur les sacrés saints stigmates. Nous en sommes à la troisième considération, c'est-à-dire à l'apparition séraphique et à l'impression des sacrés saints stigmates. La fête de la très sainte croix du mois de septembre approchait. Une nuit, que frère Léon était parti, à son ordinaire, pour réciter matine avec saint François, il arrive à la tête du pont et crie les paroles d'usage, « Seigneur, ouvre mes lèvres ». Le saint ne répond pas. Le frère avance cependant en toute simplicité, il traverse le pont, entre doucement dans la cellule, et n'y trouvant pas saint François, il va droit au bois et l'y cherche, sans bruit, à la clarté de la lune. Bientôt il entend sa voix, il s'approche, et le trouve priant à genoux, les mains et les yeux tournés vers le ciel. « Qui êtes-vous, ô mon Dieu, mon très doux Seigneur ? » s'écria-t-il brûlant de ferveur, « et qui suis-je, moi, un misérable vermisseau, votre inutile serviteur ?» Et il répétait continuellement ces mêmes paroles. Frère Léon, étonné, lève les yeux, regarde, et il voit descendre du ciel une flamme d'une clarté éblouissante qui vint se poser sur la tête du saint. De cette flamme sortait une voix qui lui parlait, mais frère Léon ne pouvait distinguer les paroles. À la vue de ce prodige, se croyant indigne de demeurer si près du lieu même où il s'opérait, craignant d'ailleurs d'affliger saint François et de le troubler dans sa contemplation, s'il venait à l'apercevoir, le bon frère s'éloigna doucement et se contenta de regarder de loin. Alors frère Léon vit le saint étendre trois fois les mains à la flamme, qui, après s'être arrêté longtemps sur lui, finit par remonter vers le ciel. Le bon frère se félicitait de n'avoir pas été remarqué, et déjà il reprenait le chemin de sa cellule, ravi d'avoir pu contempler le prodige, mais en ce moment, saint François entendit le froissement de ses pieds sur le feuillage, et lui ordonna de s'arrêter. Le frère obéit tout tremblant, et tellement troublé, comme il le racontait ensuite à ses compagnons, qu'il aurait mieux aimé voir la terre s'entr'ouvrir sous ses pieds que d'attendre alors le saint qu'il croyait avoir mécontenté. C'est qu'en effet frère Léon évitait, avec tout le soin possible, ce qui pouvait blesser le Saint-Père, dans la crainte de se voir, par sa faute, éloigné de sa compagnie. Cependant saint François le rejoint. « Qui êtes-vous ? » lui demande-t-il. « Mon père, » répond le frère avec embarras, « je suis frère Léon. Pourquoi donc es-tu venu ici, ô frère ? Ma chère petite brebis, » reprit le saint, « ne t'avais-je pas recommandé de ne pas observer ainsi mes démarches ? Mais, réponds-moi maintenant, par la sainte obéissance, as-tu vu ou entendu quelque chose de ce qui vient de se passer ?» « Père, » répondit frère Léon, « je vous ai entendu répéter plusieurs fois, « qui êtes-vous, ô mon très doux Seigneur, et moi, qui suis-je, un misérable vermisseau, votre inutile serviteur ?» Alors, tombant aux pieds de saint François, frère Léon s'accuse de sa désobéissance et en demande le pardon avec larmes. Ensuite il supplie le saint de lui expliquer les paroles qu'il avait entendues, et de lui répéter celles qui lui avaient échappé. Voyant qu'en faveur de sa simplicité et de sa pureté, l'humble frère avait mérité de voir et d'entendre quelque chose du prodige qui venait de s'opérer, ou d'en avoir révélation, saint François consentit à le satisfaire. Ô frère, chère petite brebis de Jésus-Christ, lui dit-il, sache donc qu'au moment où je répétais les paroles que tu entendais, de lumière venait éclairer mon âme, celle de la connaissance et de la science de moi-même, et celle de la connaissance et de la science du Créateur. Quand je disais, « Qui êtes-vous ?» au mont très doux Seigneur, j'étais dans une lumière de contemplation qui me faisait découvrir l'abîme de l'infinie bonté, de la sagesse et de la puissance de Dieu. Et quand je disais, « Qui suis-je ?» un misérable vermisseau, j'étais dans une lumière de contemplation qui me faisait découvrir la triste profondeur de ma bassesse et de mes misères, et c'est pourquoi je répétais, « Qui êtes-vous donc, Seigneur, Dieu d'une sagesse et d'une bonté infinie, pour daigner me visiter, moi qui ne suis qu'un misérable et vil insecte ?» Dans cette flamme que tu apercevais se trouvait Dieu lui-même, c'est lui qui me parlait sous cette forme, comme il avait fait autrefois à Moïse. Il me demandait que je lui fisse trois dons, et moi je lui répondais, « Mon Seigneur, tout ce que je possède est à vous, vous le savez bien, je n'ai que ma tunique, ma corde et mes vêtements de dessous, et encore tout cela vous appartient, que puis-je donc présenter à votre majesté ?» Alors Dieu me dit, « Cherche dans ton sein, et offre-moi ce que tu y trouveras. » Aussitôt j'y portai la main et j'y trouvai une petite boule d'or que j'offris au Seigneur, et je fis ainsi par trois fois, selon qu'il m'avait été ordonné. Et puis, trois fois aussi, je me prosternai, bénissant Dieu et le remerciant d'avoir bien voulu me donner quelque chose que je puisse lui présenter. En ce moment, une lumière intérieure me fit comprendre que ces trois dons que j'avais faits signifiaient la sainte obéissance, la sublime pauvreté et la splendide chasteté, vertu que, par la grâce de Dieu, j'ai pratiqué avec tant de fidélité, que ma conscience ne me reproche rien. En même temps que tu me voyais porter la main à mon sein pour offrir les trois vertus signifiées par les boules d'or qui m'avaient été données, le Seigneur m'accordait encore la vertu de louer, d'exalter, de bouche et de cœur, la très sainte bonté qu'il m'a témoignée en me comblant de tant de faveurs et de tant de grâces. Voilà quelles furent les paroles que tu as entendues au moment où tu me vis lever les mains par trois fois. Mais, je te le répète, frère, chère petite brebis, ne viens plus observer ainsi toutes mes démarches, retourne à ta cellule avec la bénédiction du ciel, et prends toujours bien soin de me procurer ce qui m'est nécessaire. Oui, car bientôt Dieu doit opérer sur cette montagne des prodiges si grands et si merveilleux, que tout le monde en demeurera dans l'étonnement, et que jamais aucune créature n'en aura vu de si extraordinaire. Saint François a pris, par révélation, qu'en ouvrant par trois fois le livre des Évangiles, Dieu lui ferait connaître les désirs qu'il avait sur lui. Il se fit donc apporter ce livre sacré, et, s'étant mis en prière, au nom de la très sainte Trinité, il le fit ouvrir trois fois par frère Léon. Dieu permit qu'à chaque fois il tombât sur le récit de la passion de Jésus-Christ. Le saint comprit par là que, comme il s'était rendu conforme au Sauveur dans les actions de sa vie, il devait encore, avant de mourir, le suivre dans les afflictions et les douleurs de sa passion. Dès lors, il eut la consolation de goûter et de sentir, avec plus d'abondance, la douceur de la divine contemplation et des célestes apparitions. Un jour, il en reçut une qui devait le préparer immédiatement à l'impression des sacrés stigmates. C'était la veille de la très sainte croix du mois de septembre. Au moment où il était seul et en prière dans sa cellule, l'ange de Dieu lui apparut et lui dit, « De la part du Très-Haut, je viens t'avertir de te disposer, avec humilité et patience, à recevoir ce qu'il lui plaira de t'envoyer. Je suis prêt à supporter avec résignation tout ce qui me viendra de mon Seigneur, » répondit Saint François. L'ange disparut. Le lendemain, jour de la très sainte croix, le saint, avant le lever du soleil, se mit en prière à la porte de sa cellule, tournée vers l'Orient, et il disait « Ô mon Sauveur Jésus-Christ, je vous en prie, accordez-moi de grâce avant ma mort, faites que je ressente, autant qu'il est possible, dans mon âme et dans mon corps, cette douleur que vous avez éprouvée, ô mon doux Seigneur, à l'heure de votre cruelle passion, et puis, que je ressente aussi, autant que le peut une créature, cet amour excessif qui vous embrasait, vous, le Fils de Dieu, et qui vous a porté à souffrir volontiers pour nous, pauvres pécheurs, tant d'horribles tourments. » Saint François persévéra longtemps dans cette prière, et il connut que Dieu l'exaucerait, et qu'il lui serait donné d'éprouver, autant qu'il était possible à l'homme, ce qu'il avait souhaité. Dans cette conviction, il se mit à méditer pieusement sur la passion du Sauveur et sur son infinie charité, et alors, la ferveur de la dévotion s'accroissait si prodigieusement en lui, qu'il demeurait entièrement transformé en Jésus-Christ par l'amour et la compassion. Il était dans l'ardeur de cette divine contemplation, quand soudain il vit descendre, du haut des cieux, un séraphin qui avait 6 ailes éclatantes et toutes de feu. Il se précipitait d'un vol rapide vers lui, et bientôt le saint put voir, entre ses ailes, la figure d'un homme crucifié. Ses ailes étaient disposées de telle sorte qu'il en avait 2 sur la tête, 2 autres lui servaient à voler, et les 2 dernières lui couvraient tout le corps. À la vue de ce séraphin, saint François demeura saisi d'étonnement, une joie mêlée de tristesse et de douleur se répandit dans son âme. La douce contemplation du Christ qui lui apparaissait si familièrement et qui daignait jeter sur lui de si tendres regards, le remplissait de joie, mais le douloureux spectacle de son crucifiement le pénétrait de compassion, et il en avait le cœur transpercé comme d'un glaive. Il admirait surtout profondément que l'infirmité des souffrances du Sauveur parut sous la forme d'un séraphin, sachant bien qu'elle ne s'accorde pas avec l'état de gloire et d'immortalité. Mais bientôt le séraphin lui-même lui apprit que Dieu l'avait permis ainsi, pour lui faire connaître que ce n'était pas par le martyre de la chair, mais par l'embrasement de l'amour, qu'il devait être transformé tout entier en une parfaite ressemblance avec Jésus-Christ crucifié. Alors toute la montagne de l'Alverne parut comme embrasée par une flamme immense et resplendissante, qui s'étendait jusqu'aux montagnes et aux vallées d'alentour. On aurait dit que le soleil était descendu sur la terre. À cette vue, les bergers qui veillaient dans les campagnes voisines furent remplis d'épouvante, et ils racontèrent plus tard aux frères que cette flamme avait brillé sur la montagne pendant plus d'une heure. Trompés par cette clarté qui pénétrait jusque dans les hôtelleries de la contrée, des muletiers, qui se rendaient en Romagne, croyant que le jour était venu, se levèrent, disposèrent leurs mules et se remirent en route. Ce ne fut qu'après avoir cheminé quelque temps, qu'ils virent la lumière disparaître et le soleil se lever. Dans cette apparition séraphique, le Christ lui-même daigna communiquer à saint François des choses secrètes et mystérieuses qu'il ne voulut jamais rapporter pendant sa vie, ce ne fut qu'après sa mort qu'il en fit la révélation. Or, voici quelles furent ces paroles du Christ. « Sais-tu, disait-il au saint, le prodige que je viens d'opérer en toi, pour que tu sois mon gonfalonier, je t'ai donné les stigmates qui sont les marques de ma passion. Et, de même que, le jour de ma mort, je suis descendu au limbe, et qu'en vertu de mes plaies, j'en ai retiré toutes les âmes qui s'y trouvaient pour les introduire au paradis, quand tu auras quitté la terre, tous les ans, le jour de l'anniversaire de ta mort, je t'accorde aussi de pouvoir descendre au purgatoire, et, en vertu de tes stigmates, d'en retirer toutes les âmes de tes 3 ordres, des mineurs, des sœurs et des continents, et même de tous les autres qui auront eu pour toi une grande dévotion et que tu trouveras dans ce lieu d'expiation. Tu les introduiras toi-même au paradis, et c'est ainsi qu'après m'avoir été conforme pendant ta vie, tu le seras encore après ta mort. Après un long et mystérieux entretien, l'admirable vision disparut, laissant dans le cœur du saint une ardeur excessive et la flamme de l'amour divin, et sur son corps l'image merveilleuse et les traces de la passion de Jésus-Christ. Alors ses pieds et ses mains furent transpercés par des clous semblables à ceux qu'il avait vus dans les mains et les pieds du Christ qui venait de lui apparaître. Les têtes de ces clous, qui étaient rondes et noires, se trouvaient dans le creux des mains et au-dessus des pieds, et les pointes ressortaient du côté opposé, recourbées et rivées de manière qu'on aurait pu sans peine y passer le doigt comme dans un anneau. Au côté droit du saint apparut aussi une plaie rouge, comme s'il eût été transpercé d'une lance, et souvent il jetait un sang sacré qui trempait sa tunique et ce qu'il portait sur les reins. Avant de connaître le prodige dont leur père avait été l'objet, les frères remarquèrent qu'ils ne découvraient plus ni les pieds ni les mains, et qu'ils ne pouvaient même plus poser à terre la plante des pieds. Ils trouvèrent ensuite, lorsqu'ils voulurent laver ses habits, que sa tunique et son vêtement de dessous étaient couverts de sang, et ces marques leur firent soupçonner dès lors qu'ils portaient aux mains, aux pieds et aux côtés, l'image et la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Malgré tous les efforts qu'ils faisaient pour cacher ces sacrées et glorieuses plaies, voyant qu'elles étaient trop manifestes pour n'être pas aperçues par ceux qui l'approchaient plus familièrement, et craignant d'ailleurs de publier indiscrètement les mystères de Dieu, saint François douta s'il devait révéler la vision séraphique et l'impression qu'il avait reçue sur son corps. Dans sa perplexité, il fit appeler quelques-uns des frères avec lesquels il était plus intimement lié, et leur ayant proposé sa difficulté en termes généraux, il demanda leur avis. Parmi les frères qu'il consultait, il s'en trouvait un, d'une grande sainteté, appelé frère illuminé. Cet homme, vraiment éclairé de Dieu, jugeant que saint François devait avoir vu quelques merveilles, lui dit: Frère François, sachez que ce n'est pas seulement pour vous, mais pour les autres, que Dieu vous découvre quelquefois ses secrets, c'est pourquoi vous devez craindre d'être repris d'avoir caché le talent. Si vous ne faites point connaître ce qui doit servir à l'édification de plusieurs. Touché de ces paroles, le saint rapporta, avec une grande crainte, à ses compagnons, les détails de l'apparition que nous venons de raconter, mais il ajouta que Jésus-Christ lui avait dit certaines choses qu'il ne répéterait jamais durant sa vie. En même temps que les sacrés stigmates, que le Christ avait imprimés sur lui, remplissaient l'âme de saint François d'une vive joie, son corps en ressentait des douleurs extrêmes. Il se vit obligé de se confier à frère Léon, celui de ses compagnons dans lequel il reconnaissait plus de simplicité et de pureté. Il ne lui cacha plus rien, lui laissa voir, toucher et panser ses plaies. Le bon frère faisait tout ce qu'il pouvait pour calmer les douleurs du saint, il essuyait le sang qui découlait de ses stigmates, changeait les linges quand les souffrances étaient plus vives, et même, par la suite, tous les jours, excepté depuis le jeudi soir jusqu'au matin du samedi, car saint François ne voulait qu'aucun secours humain vînt adoucir les douleurs de la passion du Christ qu'il ressentait en son corps, dans le temps où le Sauveur avait été, pour notre salut, livré et crucifié, dans le temps où il était demeuré mort et enseveli. Un jour qu'il se faisait détacher les linges sanglants de la plaie du côté, dans la douleur qu'il en ressentit, il fit un mouvement, posa la main sur la poitrine de frère Léon, et ce frère en ressentit dans son cœur une douceur de dévotion si suave, qu'il pensait tomber évanoui. Après avoir terminé le carême de Saint Michel Archange, Saint François fut inspiré de Dieu de retourner à Sainte Marie des Anges. Il fit donc appeler frère Messier et frère Ange, leur donna plusieurs avis, et leur recommanda surtout, avec toute l'autorité qu'il avait sur eux, de garder soigneusement la Sainte Montagne de l'Alverne. Il leur annonça que, pour lui, il devait la quitter et retourner à Sainte Marie des Anges avec frère Léon, puis, cédant à leurs prières, il leur fit voir, toucher et même baiser ses mains très saintes sur lesquelles étaient imprimés les sacrés stigmates, et les ayant bénis, au nom de Jésus crucifié, il descendit de la montagne et les laissa remplis de consolation. Quatrième considération sur les sacrés saints stigmates. Lorsque le pur et divin amour eut transformé complètement Saint François en Dieu aussi bien qu'en la véritable image de Jésus crucifié, cet homme angélique, ayant terminé, en l'honneur de Saint Michel Archange, un carême de 40 jours sur l'Alverne, descendit de cette sainte montagne avec frère Léon. Il se vit encore obligé de recourir alors à l'âne d'un bon paysan, car, depuis qu'il portait au pied des clous sacrés, il ne marchait plus que difficilement. Cependant le bruit de sa sainteté s'était répandu dans tout le pays. Les bergers avaient raconté comment la montagne de l'Alverne leur avait apparu tout enflammée, et ils assuraient que c'était là une marque certaine que Dieu avait opéré quelques miracles signalés en faveur du saint. Lors donc qu'il descendit de la montagne, le peuple, instruit de son passage, s'empressa d'accourir pour le voir, hommes, femmes, vieillards, enfants, tous s'efforçaient de toucher et de baiser ses mains. Saint François ne pouvait résister à de si pressantes instances, toutefois il enveloppait avec soin, dans les manches de sa tunique, ses mains déjà couvertes de linge, et il ne laissait baiser que l'extrémité de ses doigts. Pendant qu'il prenait ainsi tous les moyens de cacher le mystère de ses plaies sacrées, pour échapper à la gloire des hommes, Dieu résolut d'opérer plusieurs miracles par leur vertu. Il les fit éclater spécialement dans ce voyage de l'Alverne à Sainte-Marie des Anges, puis ensuite, pendant la vie et après la mort du saint, dans les différentes parties du monde. Il voulait, par des prodiges éclatants et certains, manifester la vertu secrète et merveilleuse des stigmates de son serviteur, ainsi que l'excessive charité et la miséricorde dont il s'était plu à le favoriser. Nous allons rapporter ici quelques-uns de ses miracles. Près d'un village situé sur les confins d'Arezzo, une femme vint, tout en pleurs, trouver Saint François, lui présenta son fils qu'elle tenait entre ses bras, et le supplia de prier pour lui. Cet enfant, âgé de 8 ans, était hydropique depuis 4 ans, et son mal avait déjà pris de si grands accroissements que, lorsqu'il était debout, il ne pouvait plus voir ses pieds. À cette vue, touché de compassion, le saint se met en prière, et, posant ses mains sur l'enfant, l'enflure disparut aussitôt et le malade demeura parfaitement guéri. La mère reprit son enfant, toute transportée de joie, et le reconduisit à sa maison en rendant grâce à Dieu et à Saint François, et depuis, elle se faisait un plaisir de le montrer à ceux de la contrée qui venaient chez elle pour le voir. Le même jour, Saint François passa par le bourg de Saint-Sépulcre. Lorsqu'il fut près de Castello, les habitants de cette ville et ceux des pays d'alentour accoururent à sa rencontre, un grand nombre portait à la main des branches d'olivier, et ses cris « voici le saint » retentissaient dans toute la foule. Mais, tandis qu'excité par la vénération qu'il inspirait, chacun s'empressait confusément autour de lui pour le toucher, le saint, au milieu d'un si grand tumulte, l'esprit toujours ravi en Dieu par la contemplation, restait complètement indifférent et insensible à tout ce qui se faisait ou se disait autour de lui, ne remarquant même pas le pays qu'il traversait. Cette insensibilité fut telle que, revenant à lui, comme d'un autre monde, il demanda, à la porte d'un hôpital de lépreux, et lorsque la foule se fut retirée, si on arriverait bientôt au bourg de Saint-Sépulcre. Il en était éloigné déjà d'un mille. C'est qu'en effet l'âme de ce contemplateur céleste avait été tellement ravie qu'il n'avait plus éprouvé aucune sensation terrestre, et qu'il n'avait remarqué ni les chemins qu'il avait parcourus, ni le temps qui s'était écoulé, ni les personnes qui s'étaient empressées autour de lui. Ses compagnons virent ce prodige se renouveler plusieurs fois encore. Arrivé le soir au couvent du Mont Casal, Saint François y trouva l'un des frères dans les accès d'une si terrible maladie et si horriblement tourmenté, que son état paraissait plutôt une véritable possession du démon qu'une infirmité naturelle. Ce malheureux se jetait quelquefois à terre avec un tremblement effrayant et l'écume à la bouche, d'autres fois ses nerfs se contractaient, s'étendaient, se repliaient et se tordaient tour à tour, d'autres fois encore sa tête venait toucher aux pieds, et il s'élançait de toutes ses forces pour retomber ensuite étendu par terre. Le saint prenait son repas quand il entendit parler de ce frère si misérablement attaqué d'une maladie que l'on disait sans remède. Il en fut vivement touché, il prend alors un morceau du pain qu'il mangeait, le bénit, avec ses saintes mains stigmatisées, par un signe de croix, et l'envoie au malade. Ce frère le mangeait et se trouva parfaitement guéri, sans que jamais, depuis, il se ressentit du même mal. Le lendemain, dès le matin, Saint François fit partir deux de ses frères de Mont Casal pour aller habiter l'Alverne, et, avec eux, il renvoya le paysan qui lui avait prêté son âne et qui l'avait suivi jusqu'au couvent. Les deux frères se mirent aussitôt en route. Lorsqu'ils furent sur les terres du comté d'Arezzo, quelques habitants qui les aperçurent de loin, croyant que le saint se trouvait avec eux, en éprouvèrent une grande joie. Une femme du comté, qui était en mal d'enfant depuis 3 jours, était sur le point d'expirer, et l'on espérait une prompte délivrance si le saint était là pour lui imposer les mains. Mais bientôt on s'aperçut avec douleur qu'on s'était trompé. Toutefois la vertu de saint François vint suppléer à sa présence et répondre à la confiance des habitants d'Arezzo. Au moment où la femme expirante laissait déjà voir la mort sur ses traits, les frères demandèrent quelque objet touché par le saint, ils cherchèrent eux-mêmes, et, ne trouvant que la bride de l'âne sur lequel il était revenu de l'Alverne, ils la prirent et la posèrent sur la malade en invoquant le nom de Saint François et se recommandant à lui. Au miracle, aussitôt la femme fut délivrée et mit heureusement au monde l'enfant qu'elle portait. Après avoir passé quelques jours au couvent de Mont Casal, le saint partit pour Castello. Dès qu'on y fut instruit de son arrivée, une foule d'habitants accoururent au-devant de lui, et chacun le suppliait de délivrer une femme depuis longtemps possédée du démon, et qui par ses hurlements plaintifs, ses cris affreux et ses aboiements, jetait le trouble dans toute la contrée. Saint François se mit en prière, et faisant le signe de la croix sur la possédée, il commanda au démon de se retirer. L'esprit malin disparut, et la femme demeura parfaitement saine de corps et d'esprit. Lorsque le bruit de ce miracle se fut répandu dans le peuple, une autre femme, animée d'une grande confiance, vint aussi trouver le saint, lui présentant son fils qu'une plaie dangereuse avait réduit à un état de grave maladie. Et elle le priait de faire sur lui le signe de la croix. Touché de sa foi, Saint François prend l'enfant, retire les linges qui couvraient la plaie, la bénit en y faisant 3 fois le signe de la croix, puis, de ses propres mains, Il remet les lingers rend le malade à sa mère. Il était soir, cette femme mit son enfant au lit, et quand le lendemain elle revint le trouver, elle le vit débarrassé de ses linges, et aussi parfaitement guéri que s'il n'avait jamais eu aucun mal. Seulement, à l'endroit de la plaie, s'était élevé, plutôt comme un témoignage du miracle que comme un reste de la maladie, une excroissance de chair qui avait la forme d'une rose vermeille. L'enfant la conserva toute sa vie, et, en la voyant, il sentait sa dévotion se renouveler pour le saint qui l'avait guéri. Cédant aux pieuses instances des habitants de Castello, saint François consentit à demeurer un mois au milieu d'eux, et il opéra beaucoup d'autres miracles. Ensuite il partit pour Sainte-Marie des Anges avec frère Léon et un bon paysan qui lui prêtait son âne. Un jour qu'ils avaient eu à parcourir des chemins fort mauvais, et par un froid très rigoureux, il leur fut impossible de gagner le soir aucun endroit où ils pussent se reposer, et ils se virent contraints de se retirer dans le creux d'un rocher pour s'y abriter contre la neige et y passer la nuit. Le paysan, qui était mal couvert, et qui ne trouvait rien pour faire du feu, sentait vivement le froid, et ne pouvait dormir, déjà il commençait à se désoler, à se plaindre et même à murmurer contre saint François qu'il avait engagé dans une si pénible situation. Le saint fut touché des plaintes de ce pauvre homme, dans sa ferveur, il étendit sur lui ses mains embrasées et percées par le feu du séraphin. Aux merveilles, à peine le paysan eut-il été touché, que loin de ressentir encore le froid, aussitôt il éprouva à l'intérieur et à l'extérieur une chaleur aussi vive que s'il avait été à l'ouverture d'une fournaise ardente. Ainsi ranimé, il prit tranquillement son sommeil, et il rapporta lui-même que, le repos qu'il avait pris cette nuit au milieu des rochers et exposé à la neige, avait été si paisible et si doux, que jamais il n'avait si bien dormi dans son lit. Le lendemain, les voyageurs poursuivirent leur route pour Sainte-Marie des Anges. Lorsqu'ils furent près d'y arriver, frère Léon, levant les yeux, aperçut dans la direction du couvent une croix magnifique qui portait la figure de Jésus crucifié. Cette croix, qui suivait exactement tous les mouvements du saint, brillait d'une si vive splendeur, qu'elle éclairait non seulement son visage, mais encore tout le chemin où il se trouvait. Elle ne disparut qu'au moment où il entra à Sainte-Marie des Anges. Ce fut avec une joie pleine d'affection que les frères le reçurent, lui et son compagnon, et dès lors ils eurent la consolation de le posséder presque toujours au milieu d'eux jusqu'à sa mort. Quoique l'humble saint François employât tous les moyens pour cacher aux hommes les grâces et les faveurs dont Dieu le comblait, quoiqu'il se considérât toujours comme le plus grand des pécheurs, le bruit de sa sainteté se répandait de plus en plus dans son ordre et dans le monde entier. Frère Léon ne pouvait comprendre une humilité si parfaite, et il se disait un jour dans sa simplicité, « Voici un homme qui fait l'admiration de tout son ordre, Dieu le comble des plus insignes faveurs, et il dit à tout le monde qu'il est le plus grand des pécheurs. Cependant jamais il ne s'accuse de pécher contre la sainte vertu, aurait-il donc conservé son innocence première ?» Et dès lors le bon frère éprouva un vif désir de savoir la vérité sur ce point, n'osant en parler au saint lui-même, il eut recours à Dieu et le pria de lui faire connaître ce qu'il souhaitait avec tant d'ardeur. En faveur de sa persévérance dans la prière et des mérites de saint François, ses vœux furent exaucés et une vision vint l'assurer que le saint avait vraiment conservé sa première innocence. Dans cette vision, frère Léon aperçut saint François sur le sommet d'une montagne très élevée et inaccessible, et il lui fut révélé que cette prodigieuse hauteur signifiait, en son bienheureux père, L'excellence de la virginité qui convenait si bien à un corps qui devait être honoré des sacrés saints stigmates de Jésus-Christ. Cependant, voyant que, par suite de ses plaies, ses forces diminuaient de jour en jour, et qu'il allait devenir incapable de diriger son ordre, le saint se hâta de convoquer un chapitre général. Lorsqu'il le vit rassemblé, il s'excusa humblement, en présence des frères, sur l'impuissance où il se trouvait de se charger désormais, comme général, du gouvernement de son institut. Il ajouta qu'il ne renonçait cependant pas encore à son titre, parce que l'ayant reçu du pape lui-même, il ne dépendait pas de lui de le déposer sans sa permission expresse, mais il établit comme son vicaire frère Pierre de Catane, et lui recommanda, à lui et aux ministres provinciaux, de donner à l'ordre leurs soins les plus vigilants. Alors fortifié en esprit, et levant les mains et les yeux au ciel, il s'écria, « C'est à vous, ô Dieu, mon Seigneur, c'est à vous que je recommande cette famille qui est la vôtre et que vous m'aviez confiée. Vous le savez, ô mon très doux Sauveur, infirme comme je le suis, je ne puis plus maintenant emporter moi-même tout le fardeau. Je la recommande aussi aux ministres provinciaux, si, par leur négligence, leur mauvais exemple ou leur dureté, un seul frère venait à se perdre, qu'ils en répondent devant vous au jour du jugement, ô mon Seigneur. » En ce moment, Dieu permit que tous les frères qui assistaient au chapitre comprissent que les sacrés saints stigmates étaient l'infirmité dont parlait leur Saint-Père, et tous versaient des larmes d'attendrissement. Dès lors, saint François se reposa sur son vicaire et les ministres provinciaux du gouvernement de son institut, et il disait, « Maintenant que mes infirmités m'ont obligé de renoncer à l'administration de l'ordre, il ne me reste plus qu'à prier pour sa prospérité et à donner le bon exemple à mes frères. Je suis certain d'ailleurs que si Dieu me rendait la santé, le plus grand service que je pourrais rendre à notre religion, ce serait encore de supplier la divine bonté de la défendre, de la gouverner et de la conserver. » Quoique saint François, comme nous l'avons déjà dit, employa tous les moyens pour cacher ses sacrés saints stigmates, quoiqu'il tînt ses mains toujours enveloppées de linge et ses pieds couverts d'une chaussure, quoiqu'il s'efforçât surtout de cacher avec un plus grand soin la plaie du côté, il ne pouvait cependant empêcher que bien des frères ne remarquassent et même ne touchassent ses glorieuses cicatrices. Note. Le révérend père Grégoire d'Alençon, custode des Capucins de Normandie, assure, par écrit, qu'allant à son chapitre général, tenu à Rome le 7 juin 1726, il a vu, à Recanati, petite ville à 2 lieues de Notre-Dame de Lorette, cette espèce de chaussure que Sainte-Claire fit pour Saint-François, après qu'il reçut les stigmates, qu'elle est de cordes tressées, et encore teinte de son sang en plusieurs endroits, et que cette relique est conservée précieusement dans l'église cathédrale, sous 3 clés différentes. Les pantoufles de saint François d'Assise racontées par le frère gardien des reliques. L'histoire des pantoufles de saint François conservées dans la basilique d'Assise est très émouvante. Selon l'expertise scientifique des restes ossuaires, on sait que saint François aurait souffert toute sa vie de douleurs aux pieds, à tel point qu'en marchant, il ne pouvait pas toucher le sol avec son orteil. Soucieuse des problèmes liés à ses douleurs insupportables, l'amie du religieux, Sainte-Claire, lui coud un jour des pantoufles adaptées, c'est-à-dire un peu plus épaisses pour éviter tout contact de l'orteil du saint avec le sol. Conférer faire à l'étayorgue. Fin de la note. Ainsi, un frère qui le servait l'ayant un jour prié, par une pieuse ruse, de retirer sa tunique pour en secouer la poussière, pendant que le saint s'en dépouillait, Il eut le loisir de remarquer la plaie du côté. Il se hâta même d'y porter la main, la toucha de trois doigts, et put ainsi mesurer sa largeur. Peu de temps après, frère Pierre de Catagne se servit aussi de ce moyen pour voir cette plaie. Mais frère Ruffin fut celui de tous qui put le mieux s'assurer de l'existence des sacrés stigmates. Ce frère était d'une haute contemplation, et c'est de lui que saint François disait qu'il n'y avait point d'homme plus saint au monde. Aussi avait-il pour lui une affection toute particulière, et il ne savait rien lui refuser. Frère Ruffin se convainquit de trois manières de la réalité des plaies du saint. Le séraphique père portait sur les reins un vêtement qui montait assez haut pour couvrir la plaie du côté. Lorsque frère Ruffin le lavait, il l'examinait avec soin, et toujours il trouvait toute sanglante la partie qui posait sur le côté, signe manifeste de la plaie qui s'y trouvait. Quand saint François s'apercevait que le frère examinait ainsi son vêtement, il le reprenait doucement de sa curiosité. Le second moyen qu'employa frère Ruffin pour se convaincre fut, un jour, d'enfoncer les doigts dans la plaie du côté. Le saint en ressentit une si vive douleur qu'il ne put s'empêcher de s'écrier « Ô frère Ruffin, Dieu vous pardonne le mal que vous venez de me faire éprouver. » Enfin, un jour que ce frère priait instamment saint François d'échanger sa tunique contre la sienne, le bon père, quoiqu'un peu malgré lui, consentit à le satisfaire, et pendant qu'il retirait son vêtement pour prendre l'autre, frère Ruffin eut encore le temps d'examiner parfaitement la plaie du côté. Frère Léon, lui aussi, et plusieurs autres frères eurent la consolation de voir les sacrés stigmates de saint François pendant sa vie. Toutefois, malgré leur sainteté et la confiance que méritaient leurs paroles simples et sans art, pour donner une certitude entière de ce qu'ils rapportaient, ils en firent le serment sur le Saint-Livre des Évangiles. Plusieurs cardinaux, qui étaient dans l'intimité du saint, virent aussi ces stigmates, et ils composèrent de pieux hymnes, des antiennes et des proses en témoignage de leur respect pour ces signes sacrés. Le pape Alexandre lui-même, prêchant devant un auditoire où se trouvaient tous les cardinaux, et parmi eux le saint frère Bonaventure, affirma qu'il avait vu, de ses propres yeux, les plaies de saint François lorsqu'il vivait encore. Jacobet de Setancelli, l'une des dames romaines les plus distinguées de son temps et qui avait pour le saint une grande dévotion, eut aussi la consolation de voir ses stigmates pendant sa vie, et de les baiser après sa mort, instruite par une révélation, que saint François était sur le point de mourir, elle se hâta, comme nous le raconterons tout à l'heure, de venir à Assise pour le voir une dernière fois. Note. Wadding, n'ayant pas trouvé de traces d'une famille du nom de Setancelli, croit que la dame était ainsi nommée du quartier de Rome, où elle demeurait, que l'on appelait Septisolium ou Septesolis. Baronius dit que ce lieu était entre le mont Palatin et le penchant du Scaurus, et qu'il y avait là plusieurs rangs de colonnes, sur lesquelles s'élevait cette trône qui paraissait comme une haute tour. Fin de la note. Quelques jours avant sa mort, le saint se trouvait à Assise, au palais de l'évêque, avec quelques-uns de ses compagnons, et là, malgré les infirmités dont il était accablé, souvent il chantait les louanges de Jésus-Christ. Un jour, un de ses frères lui dit « Père, vous le savez, les habitants de cette ville ont une grande confiance en vous, ils vous regardent comme un saint, afin donc de ne pas leur donner occasion de croire qu'ils se sont trompés. Vous devriez maintenant penser à la mort et pleurer, bien loin de chanter, car enfin vous êtes dangereusement malade. » Et sachez bien que vos chants et ceux que vous nous commandez sont entendus par les gens du palais et par les hommes armés qui se trouvent au dehors pour vous garder, Veillez donc à ne pas leur donner mauvais exemple. Note. Déconçus, dans Assise, que le saint homme était près de mourir, les magistrats mirent des gardes autour du palais épiscopal, avec ordre de faire une exacte sentinelle nuit et jour, de peur qu'on enlevât son corps dès qu'il aurait expiré, et que la ville ne fût privée d'un trésor si précieux. Fin de la note. Pour moi, ajouta le frère, je crois que nous ferions bien de retourner à Sainte-Marie-des-Anges, nous ne sommes pas convenablement dans ce palais, il y a trop de séculiers autour de nous. Mon bien-aimé frère, répondit saint François, vous savez qu'il y a 2 ans, lorsque nous étions à Foligno, Dieu vous a fait connaître le moment de ma mort, il m'a révélé encore, il y a quelques jours, que je devais mourir de la maladie dont je suis atteint maintenant, et dans cette révélation, il m'a donné l'assurance de la rémission de tous mes péchés et de la béatitude du paradis. Jusque-là, je pleurais à la pensée de la mort et de mes fautes, mais depuis, je suis inondé de joie et je n'ai plus de larmes à verser. Je chante donc et je chanterai toujours ce Dieu qui m'a comblé de ses grâces, et qui m'a donné la certitude du bonheur et de la gloire des cieux. Cependant je consens volontiers à quitter ce palais, mais chercher le moyen de me transporter, car, infirme comme je le suis, je me sens incapable de marcher. Aussitôt les frères prirent dans leurs bras leur Saint-Père et l'emportèrent, et une foule d'habitants d'Assise les accompagnait. Lorsqu'il se vit près d'un hôpital qui se trouvait sur le chemin, saint François pria ceux qui le portaient de le déposer à terre et de le tourner vers la ville. Alors il appela sur Assise une grande abondance de bénédictions. « Soyez bénis du Seigneur Dieu, cité sainte, s'écriait-il, soyez bénis parce que beaucoup d'âmes seront sauvées en vous et par vous, un grand nombre de serviteurs du Très-Haut demeureront dans l'enceinte de vos murailles, et, du nombre de vos citoyens, beaucoup seront choisis pour le royaume de la vie éternelle. » Ayant dit ces mots, le saint ordonna de continuer la marche, et l'on arriva bientôt à Sainte-Marie-des-Anges. Lorsqu'il eut été conduit à l'infirmerie, il fit appeler un de ses compagnons et lui dit « Mon cher frère, Dieu m'a révélé le jour de cette même maladie où je dois mourir, vous connaissez le dévouement de la dame Jacoba de Setensoli pour notre ordre. Vous savez aussi quels seraient ses regrets si ma mort arrivait sans qu'elle y fût présente, faites-lui donc savoir que, si elle veut me trouver encore en vie, elle se hâte d'arriver ici. » Père, répondit le frère, vous dites bien, cette dame a pour vous une si grande vénération, qu'il est vraiment convenable qu'elle assiste à vos derniers moments. Allez donc, reprit saint François, apportez-moi de l'encre, du papier et une plume, et vous écrirez ce que je vais vous dicter. Le frère obéit, et le saint lui dicta la lettre suivante. À la dame Jacoba, servante du Très-Haut frère François, pauvre petit serviteur de Jésus-Christ, salut et communication du Saint-Esprit en Jésus-Christ notre Seigneur. Sachez, ma bien chère sœur, que le Christ a jamais béni m'a fait la grâce de me révéler le terme de ma vie, qui doit arriver bientôt, c'est pourquoi, si vous voulez me voir encore, partez dès que vous aurez reçu cette lettre et hâtez-vous d'arriver à Sainte-Marie-des-Anges, apportez avec vous de l'étoffe, ou plutôt un cilice pour ensevelir mon corps et de la cire pour mon enterrement. Je vous prie aussi d'apporter de ces pâtes que vous me faisiez prendre à Rome quand j'étais malade. En ce moment, le saint ayant connu par révélation que la dame Jacoba venait le trouver, qu'elle était déjà près du couvent et qu'elle apportait tous les objets qu'il lui demandait, il dit au frère de ne plus écrire et de mettre sa lettre de côté, parce qu'elle n'était plus nécessaire. Chacun s'étonnait de cette conduite, Mais voici qu'un instant après on entend frapper vivement à la porte, Saint François envoie le portier, on ouvre, c'était la dame de Settensoli elle-même qui arrivait avec deux de ses fils, sénateurs de Rome, et une nombreuse escorte d'hommes à cheval. On les fit entrer, et la dame Jacoba se rendit droit à l'infirmerie pour y voir Saint François. Sa joie fut extrême lorsqu'elle le trouva vivant encore et qu'elle put lui parler, et le saint lui-même, en la voyant, ressentit une grande consolation. La pieuse dame lui raconta comment Dieu, au moment où elle était en prière à Rome, lui avait révélé qu'il touchait au terme de sa vie et qu'il devait lui demander les objets qu'elle avait apportés. Puis elle lui présenta les pâtes qu'il avait souhaitées, et le saint se sentit fortifié lorsqu'il les eut prises. Après cela, la dame de Settensoli tombe à genoux près de lui, saisit avec un saint empressement ses pieds ornés des stigmates du Christ, les baise avec respect et les arrose de ses larmes. À ce touchant spectacle, les frères croyaient voir Madeleine aux pieds de Jésus-Christ, et ils ne pouvaient arracher la pieuse dame des pieds de leur père. Enfin, lorsque sa dévotion eut été pleinement satisfaite, ils la tirèrent à l'écart et lui demandèrent comment elle avait pu venir si à propos et munie de tout ce qui était nécessaire à Saint François. La dame répondit qu'au moment où elle était en prière à Rome, une nuit, elle entendit une voix du ciel qui lui dit « Si tu veux encore voir le saint, hâte-toi de partir pour Assise, porte ce que tu as coutume de lui présenter quand il est malade et tout ce qui est nécessaire pour sa sépulture. » Voilà ce qui m'a été prescrit, ajouta la dame, et j'ai aussitôt obéi. Jacoba resta dans le couvent jusqu'à la mort de Saint François. Elle rendit ensuite, elle et tous ceux qui l'accompagnaient, les plus grands honneurs à sa sépulture, et voulut faire elle-même toutes les dépenses nécessaires en cette circonstance. Puis elle revint à Rome, où elle mourut peu de temps après en odeur de sainteté. Par dévotion pour le saint, cette noble dame, avant sa mort, avait demandé qu'on la transportât et qu'on l'inhumât à Sainte-Marie des Anges. Ses dernières volontés furent remplies. Note. Jacoba de Settensoli mourut l'an 1239, et fut enterré à Assise, dans l'église bâtie en l'honneur de Saint François. Ses deux fils y eurent aussi leur sépulture. Conferwading, 1235, numéro 24, et 1239, 14. Sur sa tombe fut gravé, ici repose le saint et noble frère romain Jacqueline. Voir Fratini, Storia della Basilica, page 48. Confer Jacobii, Vitae Dei Santi Beati dell'Umbria, Foligno. Comment le chevalier Jérôme Vier toucha les plaies de Saint François, auxquelles il ne croyait pas auparavant, après la mort de Saint François. La dame de Settensoli, ses fils et les gens de sa suite ne furent pas les seuls qui virent et baisèrent ces sacrés et glorieux stigmates, un grand nombre d'habitants d'Assise eurent aussi cette consolation. Parmi eux, se trouvait un chevalier de grande réputation appelé Jérôme. Cet homme, comme saint Thomas à l'égard de Jésus-Christ, avait jusque-là refusé de croire aux plaies du saint. Pour s'en assurer et pouvoir en assurer les autres, il se permit un jour, en présence des frères et des séculiers qui se trouvaient près du corps du bienheureux, d'agiter les clous des mains et des pieds et de palper la plaie du côté. Depuis, il devint un témoin constant de la réalité des stigmates, jurant même sur le livre sacré qu'il les avait vus et touchés. Sainte Claire et ses sœurs, s'étant rendus à Assise pour les obsèques de Saint François, eurent aussi le bonheur de voir et de baiser ces glorieuses et sacrées plaies. Du jour et de l'année de la mort de Saint François. Le glorieux confesseur du Christ, Saint François, passa de cette vie à la gloire des bienheureux en l'an de notre Seigneur 1226, le samedi 4 octobre, et il fut inhumé le dimanche suivant. Il était alors dans la 45e année de son âge, dans la 20e de sa conversion, c'est-à-dire du temps où il était entré dans les voies de la pénitence, et il y avait 2 ans qu'il avait reçu l'impression des sacrés saints stigmates. De la canonisation de Saint François. Saint François fut ensuite inscrit au nombre des saints en l'an 1228, par le pape Grégoire IX, qui vint lui-même à Assise pour la solennité de cette canonisation. Voilà ce qui regarde la quatrième considération. Cinquième et dernière considération sur les sacrés saints stigmates. La cinquième et dernière considération doit être faite sur certaines apparitions, révélations et miracles que Dieu permit, après la mort de Saint François, pour confirmer la vérité de ces sacrés saints stigmates, et faire connaître le jour et l'heure où il les avait reçus. On savait qu'un religieux, nommé Matthieu de Castiglione Aretino, avait eu révélation de ces choses, en l'an 1282, dans le mois d'octobre, sur l'ordre de frère Jean Bonnegrâce, général ministre, frère Philippe, ministre de Toscane, enjoignit à ce religieux, au nom de la sainte obéissance, de lui déclarer ce qu'il connaissait à ce sujet. Frère Matthieu était un homme d'une grande piété et d'une haute sainteté, se voyant forcé par la sainte obéissance, il répondit. J'habitais l'Alverne l'an passé, dans le mois de mai, quand un jour je me mis en prière dans la cellule où l'on croit que se fit l'apparition séraphique, et je suppliais Dieu avec ferveur qu'il daignât révéler à quelqu'un le jour, l'heure et l'endroit où Saint François avait reçu les sacrés stigmates. J'avais persévéré dans cette prière jusque bien avant dans la nuit, quand tout à coup le Saint lui-même m'apparut environné d'une lumière éblouissante, et me dit, « Mon fils, que désires-tu, Père ?» lui répondis-je, « Je demande à Dieu le jour, l'heure et l'endroit où vous reçûtes vos glorieux stigmates. » Le Saint reprit, « Je suis François, ton Père, me reconnais-tu ? » « Oui, Père, » répondis-je, « Je vous reconnais. » Alors il me montra les plaies sacrées des pieds, des mains et du côté en me disant, « Le temps est venu où Dieu veut que, pour sa gloire, soient manifestées les choses dont mes frères ont négligé de s'enquérir jusqu'à présent. Sache donc que celui qui m'a paru ne fut pas un ange, mais Jésus-Christ lui-même sous la forme d'un séraphin, c'est lui qui, de ses propres mains, a imprimé sur mon corps ses plaies sacrées, comme il les reçut dans sa passion, et voici comment s'opéra ce prodige. La veille de l'exaltation de la Sainte Croix, qui, cette année, tombait un vendredi, je sortis de ma cellule dans une grande ferveur d'esprit, et j'allais me mettre en oraison à l'endroit même où tu te trouves maintenant et où j'avais coutume de prier. Soudain descendit des cieux, avec impétuosité, un jeune homme crucifié sous la forme d'un séraphin qui avait 6 ailes. À cette vue, je me prosternai, l'esprit religieusement occupé de l'amour infini de Jésus-Christ dans sa passion et de son immense douleur, et je demeurai touché d'une si vive compassion, qu'il me semblait éprouver dans mon corps les douleurs du Sauveur en croix. Au moment de l'apparition divine, toute la montagne devint brillante comme le soleil. Alors le Christ descendit vers moi et me communiqua des paroles secrètes que je n'ai encore révélées à personne, mais le temps approche où elles seront connues. Après cela, le Sauveur remonta vers les cieux, et moi je me vis avec les stigmates que je porte encore maintenant. Va donc, ajouta Saint François, assure ton ministre de la vérité de ce que tu viens d'entendre, car c'est ici l'œuvre de Dieu, et l'homme n'y a pas de part. À ces mots, Le saint me bénit et retourna vers le ciel, accompagné d'une escorte de jeunes gens tout resplendissants. Voilà le rapport que fit frère Matthieu. Il assura, de plus, avoir vu cette apparition dans un moment où il était entièrement éveillé, et, plus tard, il jura qu'il l'avait raconté au ministre de Florence, dans sa cellule, sur la demande qu'il lui en avait faite, par la sainte obéissance. Markemdan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 et Bray Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.